Le collège a été fondé sous François Ier. Le collège est absolument lié à la Renaissance. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation au naturel non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Les remèdes de Pline l'Ancien. On brûle les jeunes tiges en fleurs pour faire de leurs cendres une sorte de spod. On l'arrose de vin et on la brûle de nouveau. Pour les suppurations et les tumeurs, on fait un topique avec cette cendre ou avec les feuilles pilées avec du miel, mais pour les yeux, avec de la polente. L'eau qui sort du bois d'olivier brûlé vert guérit les lichens, les dartres furfuracés et les ulcères suintants. L'écorce raclée des racines d'un tout jeune olivier, prise souvent avec du miel, guérit l'hémoptysie et les expectorations purulentes. La cendre de l'olivier lui-même, avec de l'axonge, guérit les tumeurs, fait sortir les matières corrompues des fistules et guérit ces dernières. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, apprendre les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles sont les innovations techniques pour broyer les olives dans le monde antique méditerranéen? Que pouvons-nous apprendre des descriptions laissées par les auteurs antiques? Qui a raison, Pline ou Vitruve? Quel a été l'apport majeur de l'introduction des vis dans les pressoirs? Pourquoi faut-il être vigilant sur le problème récurrent d'utiliser les fouilles pour expliquer les textes antiques? Et vice-versa, demande l'archéologue Jean-Pierre Brun. Quelles étaient les techniques de décantation? Et comment étaient utilisés les scourtins, tels se trouvaient dans une huilerie égyptienne, et les galets à gras des ronds d'Alexandrie? Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Techniques et économies de la Méditerranée antique, nous entraîne dans une vaste fresque sur le temps long qui analyse la place de l'olivier et de l'huile d'olive dans l'économie antique et qui met en perspective des sources anciennes et les travaux les plus récents pour appréhender les techniques de fabrication de l'huile d'olive. Avant son entrée au Collège de France en 2012, Jean-Pierre Brun s'est spécialisé dans l'étude des vestiges d'activités économiques grecques et romaines après avoir consacré sa thèse à l'huile et au vin dans la Méditerranée antique. Il a fouillé de nombreuses installations vinicoles et oléicoles romaines en Provence, mais aussi en Italie et en Grèce. Dans sa leçon inaugurale en 2012, Jean-Pierre Brun, comme dans cette série, met en valeur les relations entre l'interprétation des sources et les résultats des fouilles et les chausse-trappes qui sont liées aux deux approches. Au contraire des textes littéraires, dit-il, qui présentent une vision externe et le plus souvent aristocratique du travail et des techniques, l'archéologie nous met en contact avec le travail lui-même, dans les exploitations agricoles, dans les ateliers, dans les lieux de production et de commerce. Ce faisant, l'archéologie ne saura se dispenser du secours de l'épigraphie lorsque des textes sont disponibles, c'est-à-dire principalement des inscriptions sur les objets susceptibles de nous informer sur leur appartenance, leur producteur, leur fonction ou leur mode de commercialisation. Ainsi, combinant les approches et les séries, nous pouvons travailler sur le temps long, celui des sociétés, au sens où l'entendait l'école des annales. Enfin, si elle rend sensible les phénomènes de fond, Les essors, les stabilités et les déclins, l'archéologie donne également des panoramas très détaillés, des zooms sur des régions, d'autant plus précieux que les angles d'analyse sont croisés. Et ces régions, nous allons les découvrir ce matin. Nous poursuivons et achevons aujourd'hui l'évocation du broyage des olives et des machines antiques, les pressoirs à Treuil et à Vis. Comme le rappelait Olivier Orange en 2012 dans sa petite revue des façons de détriter les olives hier et aujourd'hui, l'obtention de l'huile d'olive résulte de trois opérations successives, le détritage, qui consiste à déchirer la peau, briser les cellules, former une pâte, le pressurage, qui consiste à extraire par pression l'huile de cette pâte, et la décantation, qui consiste à séparer, grâce à la différence de densité, l'huile des margines et des mous huileux. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 31 octobre 2017 pour le cours de Jean-Pierre Brun, Technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique, aujourd'hui, pressoir à vis et décantation. Les pressoirs à Treuil fixés entre des montants ont été très utilisés en Italie et en Gaule méridionale sous deux formes. D'une part, le système décrit par Caton, où, comme nous l'avons vu dans le cours précédent, les deux montants de la tête du pressoir et les deux montants du treuil sont plaqués au sol par les superstructures maçonnées, donc avec cette fameuse phrase « pour qu'elles aient assez de poids », n'est-ce pas ? Et un autre système où les pressoirs et les montants sont, au contraire, ancrés sous le sol de la pièce. Ce système-là est le mode exclusif à Pompéi et dans les villets de son territoire, aussi bien dans les installations vinicoles qu'oléicoles. On ménageait en fait des sortes de puits qui permettaient donc de fixer les montants du pressoir, que ce soit les montants de tête ou les montants du treuil, permettaient de les fixer sous le sol. On les voit aussi bien dans les installations vinicoles, mais on peut les avoir de la même façon dans les huileries, par exemple la Villa de la Pisanelle à Bosco Real ou celle de Casalimiri près de Stabi. Et comment ça fonctionne? Nous avons des souterrains qui sont accessibles par des trappes et les montants sont chevillés sous le sol à une assez grande profondeur pour que, évidemment, ils ne s'arrachent pas lorsqu'on fait fonctionner le pressoir. Longtemps, les philologues et les archéologues ont tenté de combiner les découvertes archéologiques de la région de Pompéi, bien connues depuis la fin du XVIIIe siècle, avec le texte de Caton. Et c'était une erreur, car Caton décrit un autre type qui était plutôt répandu dans le nord de la Campanie et qui est d'une conception totalement différente. Le résultat a été que les philologues ont longtemps mal compris le texte de Caton et proposé des reconstitutions erronées, comme celle, par exemple, qui a longtemps servi de Hurle, Cato Hasbourer, le manuel de Caton, publié à Paderborn en 1929, et qui a été ensuite cité très largement, y compris dans, vous le trouverez encore, dans l'édition de la Société des Belles Lettres, du manuel de Caton publié par Goujard en 1975. Alors vous voyez la différence entre sa reconstitution et la mienne, parce qu'il avait l'idée que les montants des pressoirs, les arbres et les stipites étaient chevillés sous le sol comme dans le cas des installations de la région du Vésuve, il les fait descendre très profondément, ce qui rend l'utilisation du pressoir très difficile puisqu'il n'y en a pratiquement pas de marge de manœuvre, alors qu'en fait, en réalité, il repose sur le sol et ça donne évidemment un système totalement différent. Donc, du danger, bien entendu, d'utiliser les découvertes archéologiques pour essayer de réinterpréter les textes antiques lorsque on n'a pas exactement le même type de vestiges. Et c'est un problème récurrent que nous rencontrons. Nous avons toujours tendance à essayer d'utiliser les sources antiques pour expliquer nos fouilles et nos fouilles pour interpréter les textes antiques. Et assez souvent, ça ne marche pas tout à fait très bien. L'évolution majeure qu'a été l'introduction des vis dans les pressoirs est une question qui est fort débattue. Vitruve nous donne en fait la première attestation de l'adaptation des vis au pressoir d'une façon générale. Il écrit en effet que, dans le passage du De Architectura, livre 6, paragraphe 6.3, dans les années 30 avant Jésus-Christ, il écrit « Ipsum autem torcular, si cocleis torquetur, sed vectibus et prelo premetur, niminus lungum pedes » et ensuite il donne le chiffre 40, constituatur, « ita enim erit vectiarius passium expeditum, latitudo eius niminus pedum senum denum. » Alors je traduis ainsi, le pressoir lui-même, s'il n'est pas tourné par des vis, mais actionné par des barres de manœuvre et un mouton, donc un prélome, ce qu'on appelle en français un mouton, ne doit pas avoir une longueur inférieure à 40 pieds, et de façon à ce qu'il ait assez d'espace pour manœuvrer les barres, ces vectes, que nous avons vu dans le texte de Caton, ce qui sert à actionner le treuil. Sa largeur ne sera pas moindre que 16 pieds. Par là, les ouvriers auront tous les mouvements libres et faciles. Comme nous savons par Pline, dans l'Histoire naturelle 18-317, que les pressoirs à vis centrales, dont je parlerai tout à l'heure, ont été inventés bien plus tard, l'allusion aux vis est habituellement rapportée à des pressoirs à levier auxquels on aurait adapté donc une vis à la place du treuil. Or, je pense que la lecture du texte ne soutient pas cette interprétation. Car Vitruve écrit, en effet, je le répète, « Sinon cocleis torquetur sed vectibus et prelo premitur » et il faut que le pressoir ne fasse pas moins de 40 pieds. C'est donc bien à propos de l'espace qu'occupe le pressoir qui fait l'opposition entre les systèmes à vis et les systèmes à treuil. Or, un pressoir à levier et vis est aussi long qu'un pressoir à levier et treuil et occupe autant d'espace. D'autant plus qu'ils utilisent tous les deux des contrepoids de pierre. Et nous voyons ici dans le bas-relief d'Aquilée un système avec un pressoir à levier et vis qui est fixé sur une pierre. Il s'agit en l'occurrence probablement d'un pressoir à vin à nouveau, mais comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de différence. Il me paraît donc que, contre l'autorité de Pline, il faut admettre qu'il y avait déjà des pressoirs à vis centrale ou à vis latérale de petite dimension vers la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ. À ce propos, je voudrais rappeler que Vitruve était très au fait des inventions et des machines. C'est le premier auteur latin qui décrit un moulin hydraulique à roue verticale, et il le fait avec assez de détails pour qu'on ne doute pas qu'il ait vu de ses yeux et qu'il ait même fait des mesures. Quoi qu'il en soit, Vitruve cite donc des pressoirs à vis, ce qui assure que la vis était déjà utilisée dans les pressoirs. Alors, moi, je crois qu'en l'occurrence, il s'agit de pressoirs à vis centrales, mais il n'y a pas de raison qu'on ne les ait pas déjà utilisés dans les pressoirs à levier. Ce que corroborerait d'ailleurs le texte de Pline qui donne des indications précieuses sur la chronologie de l'adaptation de la vis au pressoir à levier, en effet. Dans ce paragraphe 317 du livre 18, Pline écrit que, au cours des 100 dernières années, les pressoirs à la grecque, graecanica, dit-il, ont été inventés. Et il poursuit en disant autour d'un fût, des rainures courent en spirale à cette vis. Les uns assujettissent un bloc de pierre, d'autres une caisse remplie de pierre qui se soulève avec l'arbre, ce qui est très apprécié. On a donc affaire, d'une part, dans la description de Pline, d'une part à un pressoir dont la vis est lestée par un bloc de pierre, et d'autre part à un autre dispositif qui est courant dans les zones où on n'a pas de pierre de taille aisément disponible et qui consiste à remplir de pierres plus petites une grande caisse de bois. Cet Arca Lapidum est bien attesté en Tarraconaise, par exemple, notamment dans les fouilles récentes de Barcelone. Alors, je vous prends deux exemples de ces pressoirs. D'une part, dans l'huilerie d'Estoy, de la Villa d'Estoy, Mireu, au Portugal, on a assez classiquement un contrepoids cylindrique qui servait à fixer une vis. Et dans le cas de l'Espagne et de la région de Barcelone, de la Villa de la Sagrera, au contraire, on a des fosses dans lesquelles on a retrouvé des traces d'une caisse de bois avec des frettes de fer qui étaient remplies de pierres. Plusieurs types de ces pressoirs ont été développés au cours de l'Empire romain et ce sont ce genre de pressoirs que l'on retrouve pendant toute l'histoire jusqu'à une époque moderne, comme par exemple les pressoirs modernes qui sont présentés dans le musée de l'Olive à Imperia en Italie. Vous voyez donc des assemblages de poutres et des vis qui sont assujettis à des contrepoids de pierre qui, comme l'indique Pline, se soulèvent dans un puits et s'abaissent au fur et à mesure que la masse du marc diminue et permet donc de faire le travail en utilisant la force de la pesanteur. Héron, dans les Mécanica, au livre 3, paragraphe 15, indique que certains pressoirs, je cite, « ne nécessitent pas de câbles » et qu'ils sont plus faciles et plus sûrs, effectivement, parce que le changement du pressoir à câble au pressoir à vis a eu comme principal avantage de faire en sorte que les câbles, ne risquant plus de casser, on perdait moins de temps, il y avait moins de risques à les utiliser. Il décrit donc un appareil où le levier est doté à son extrémité d'une vis qui s'enfonce dans un long écrou fixé à un bloc de pierre. Ce système est assez compliqué à réaliser, notamment le long écrou que vous voyez ici, qui doit être fait en deux parties. Et il a été restitué grâce à l'étude d'un pressoir portugais d'époque moderne et grâce à l'étude donc, qu'en a fait Marie-Claire Amoretti, Georges Comé, Claude Denet et Jean-Louis Paillet, dans un article que je vous renvoie qui s'appelle « À propos du pressoir à huile, de l'archéologie industrielle à l'histoire », paru dans les mélanges de l'École française de Rome en 1984. Héron, dans son texte, précise ensuite, je continue à le citer, qu'on fait tourner l'écrou avec quatre barres de sorte que la vis entre dans l'écrou. Le levier s'abaisse alors et la pierre s'élève et tout ce qui se trouve sous le levier est pressé. Quand le levier s'est abaissé à venir toucher le sol, on tourne l'écrou dans le sens contraire jusqu'à ce que le levier soit relevé et que la pierre repose à terre. Cette machine est puissante, solide, elle n'offre aucun danger et la manœuvre en est peu fatigante. Donc tous les avantages sont très clairement explicités. La chronologie avancée par Pline commence à être vérifiée par l'archéologie. En effet, 100 ans avant le moment où il écrit, nous ramène dans le dernier tiers du 1er siècle avant Jésus-Christ. Quelques pressoirs à vis de Bétique et de Tarraconaise sont datables de la période augustéenne, comme nous aurons l'occasion de le voir par la suite. Ces pressoirs à levier vis étaient donc beaucoup plus efficaces. D'une façon générale, les pressoirs à levier étaient plus efficaces que les appareils à torsion, bien entendu. Le passage du système à treuil au système à vis a été un saut technologique relativement important, mais il n'a pas pour autant augmenté la puissance des appareils. Toutefois, en facilitant la manœuvre, ce passage a permis de gagner du temps de travail et donc d'augmenter la productivité des installations vinicoles et oléicoles. Malgré l'apparition de ces pressoirs à vis, plus commodes d'emploi, donc probablement dans le courant du 1er siècle avant Jésus-Christ, les pressoirs à levier et câble se sont maintenus durant toute l'Antiquité. D'une part, les propriétaires d'huileries ou d'installations vinicoles qui étaient déjà équipés, n'ont pas toujours fait l'investissement de transformer leur pressoir, qui, par ailleurs, leur donnait relativement satisfaction en termes de rendement. Ainsi, aucune des huileries des villets ensevelies par le Vésuve en 79 après Jésus-Christ n'utilisait de pressoir à levier et vis. D'autre part, dans des régions où on devait manquer de bois d'œuvre pour tailler les vis et les écrous, ou peut-être où on manquait d'artisans spécialisés, les pressoirs à câbles se sont perpétués. C'est le cas encore au IVe et Ve siècle de notre ère, dans les îles grecques, par exemple à Délos, ou en Tripolitaine, en Afrique et en Maurétanie, c'est-à-dire en Libye, en Tunisie et en Algérie d'aujourd'hui. Donc, il faut penser que les deux se sont maintenus selon les régions parce que la différence de rendement n'était pas énorme. C'était, les pressoirs à vis étaient des systèmes plus faciles à utiliser, mais du point de vue du rendement, il n'y avait pas de grand changement. Un autre type de pressoir auquel il faut faire très rapidement un sort sont les pressoirs à coin. Ils fonctionnaient selon le principe suivant. Dans un cadre de bois, coulissent des madriers horizontaux, des traverses, que l'on écarte avec des coins que l'on enfonce avec des gros maillets. L'écartement des traverses comprime progressivement le marc d'olive qui est placé entre la mets et la traverse inférieure. Quatre types de ce type de pressoir sont connus selon que le cadre de bois est fermé ou fixé au sol et selon que les coins sont enfoncés par des maillets à main ou par des maillets suspendus. Le type que nous voyons là est très courant dans les installations de parfumeurs et j'ai eu l'occasion d'en parler à l'occasion du commentaire de la fresque des Vétilles à Pompéi. On peut avoir une mets de pierre ou une mets de bois, comme ici, dans le cas de la frise de la Casa dei Cervi. Et il y a d'autres systèmes où les maillets sont suspendus. Ce sont des modèles qui sont surtout diffusés dans les Balkans à l'époque moderne. Dans l'Antiquité, ce type d'appareil semble avoir été exclusivement, en tout cas surtout, employé pour extraire des huiles à parfum. Héron d'Alexandrie, dans le passage des Mécanica, au livre 2, paragraphe 43, indique que le pressoir à coin servait dans les préparations des parfumeurs, ce que répète à nouveau au IVe siècle Papos d'Alexandrie. Toutefois, les exemples ethnologiques assurent qu'à l'époque moderne, on a employé ce type de pressoir pour l'huile ordinaire, par exemple en Kabylie ou dans les Balkans, ou pour le raisin, encore en Bourgogne ou en Hongrie. Rien n'empêche donc que ce type de pressoir, qui ne demande ni grand savoir-faire ni une technologie avancée, ait été répandu, notamment dans les petites et les moyennes huileries. Ces pressoirs sont toutefois assez difficiles à identifier. J'ai proposé que les deux pressoirs, de ce que j'interprète comme une parfumerie dans le quartier du stade de Délos, et fonctionner avec des coins. Ce sont en effet des presses verticales dont les montants ont été moulés par la maçonnerie et leur date, vers 100 avant Jésus-Christ, semble exclure qu'il s'agisse déjà de pressoirs à vis centrale. Mais mis à part le contexte particulier de Délos, je n'ai pas pu identifier jusqu'à présent des pressoirs à coins ailleurs. Les pressoirs verticaux de Pompéi, de Pestum et du Fayoum sont en effet, comme nous allons le voir, des pressoirs à vis centrale. Alors, nous en arrivons maintenant à notre dernière grande catégorie, qui sont les pressoirs à vis centrale et latérale. Dans les presses à vis centrale et latérale, la pâte d'olive n'est pas écrasée par la poutre qui sert de levier, mais directement par une vis ou par deux vis jumelles, selon le principe de l'étau. L'invention est grecque, peut-être alexandrine. À Alexandrie, au 1er siècle de notre ère, ces pressoirs étaient assez courants pour que Héron s'en serve comme exemple pédagogique. Dans le livre 3, au paragraphe 19-20 des Mécanicains, il décrit deux types utilisés pour presser les olives. D'une part, un instrument à une seule vis, placé au centre de la poudre supérieure, qui est taillée en écrou. Il dit qu'on y introduit une vis que l'on tourne en partie basse à l'aide de barres insérées dans le tambour. Alors la vis s'abaisse sur la planche placée sur l'excourtin et dans une cage de bois nommée galet à gras. Héron indique qu'il fallait recommencer le serrage plusieurs fois pour bien extraire les sucs. L'autre pressoir comporte deux vis qui sont insérées aux deux extrémités d'une poutre de bois grâce à une gorge maintenue par une clavette. La vis est tournée en partie haute par des barres de bois et dit qu'en vissant, on abaisse une autre poutre de bois. Et la poutre donc s'abaisse lorsqu'on tourne les deux vis et inversement, elle s'élève lorsqu'on les tourne en sens contraire. Et sur la poutre inférieure, il place également soit des couffins, soit ce qu'il appelle une galet à gras, c'est-à-dire une caisse à jouer. Un pressoir donc assez proche a été trouvé à Théadelphie dans le Fayoum, où, comme vous le savez, le bois se conserve, et donc c'est conservé depuis l'époque romaine. Il s'agit à l'occurrence plutôt d'un pressoir à vin, mais il n'y a pas de différence. Comme on le voit dans cet exemple égyptien, le pressoir est totalement en bois, il n'y a rien qui laisse de traces. Et quand le bois disparaît, bien sûr, nous n'avons aucun élément pour le restituer. Il en est de même des presses de foulon qui sont bien connues par notamment une peinture de Pompéi qui ornait une foulonica, celle que l'on attribue mais de façon probablement erronée à un certain Lucius Veranus Ipsaeus. Et où vous voyez donc à nouveau un ensemble qui est pratiquement tout en bois, sauf des frettes de fer qui servaient à tenir la base de la vis et de façon à pouvoir insérer des barres de bois ou de métal. Lorsque, même à Pompéi, on en a des vestiges, comme par exemple dans le cas de la Foulonica dite de Stéphanus, dans la région 1, tout ce qui va nous rester, ce sera des traces de fixation dans le mur, dans un site normal, si j'ose dire, où l'état de conservation est au mieux à ce niveau-là, bien entendu, on n'a pas situé de vestiges, et ces frettes de fer qui sont assez caractéristiques, mais qui, dans un site normal, bien sûr, ont été récupérées pour bien entendu, réutiliser le métal. Il arrivait toutefois que ces pressoirs à vis centrale ou à vis latérale soient dotés d'une base en pierre, qui à ce moment-là le rend plus facile à interpréter. C'est notamment le cas dans le Fayoum, en Égypte, en Grèce et plus rarement en Italie. La base en pierre comporte donc une mée, une rigole pour recueillir l'huile et deux orifices pour fixer les montants de la poutre supérieure et donc on se retrouve dans le système décrit par Héron d'Alexandrie. Héron d'ailleurs souligne que ces appareils, je cite, sont d'une construction aisée, on peut les transporter et les installer partout où l'on veut. Ils ne nécessitent pas de longues pièces de bois égales dans toutes ses parties et d'une essence dure, ni de lourdes et grandes pierres, ni de câbles forts, et ne nous offre pas de difficultés provenant de la rigidité des cordes. Ils sont libres de tous ces inconvénients, ils pressent d'ailleurs avec beaucoup de force et expriment entièrement les sucs. En fait, ils pressent moins bien que les grands pressoirs à levier, mais ils font un travail très correct pour un investissement dans l'appareil et dans le bâtiment qui sont nettement moindres que les grands pressoirs à levier. On peut donc s'attendre à rencontrer ces installations dans les ateliers des artisans établis en ville, où l'espace est cher, et ils doivent aussi équiper des fermes moyennes où ils étaient employés aussi bien pour l'huile que pour le vin. Or, ils sont assez difficiles à mettre en évidence par l'archéologie, sauf dans le cas exceptionnel, comme le Fayoum ou comme Herculanum. Les vestiges se résument le plus souvent à des tranchées en forme de hache et quelquefois des traces de piétinement circulaire, comme par exemple dans la villa de Batteste à Montcrabeau dans le Lot-et-Garonne, fouillée très bien par Philippe Jacques. Vous voyez ici la base du pressoir en forme de hache qui sert donc à le maintenir à la fois de façon à ce qu'il ne bascule pas, et ici on voit les traces de piétinement tout autour des ouvriers qui poussaient sur les barres. Pline donne, dans le fameux paragraphe 317 du livre 18, une description de ces presses à vue centrale en usage en Italie à son époque, et il écrit, et c'est là où il y a débat, « Au cours des 22 dernières années, on a inventé de petites presses et un bâtiment de pressoir moins grand. Une vis plus courte étant placée verticalement au milieu, on presse les plateaux appuyés de tout leur poids sur le marbre et l'on édifie sur les pressoirs un blocage en maçonnerie. » Le texte donc pose problème car Pline oppose génériquement les pressoirs à vis centrales aux pressoirs à levier et situe précisément dans le temps leur invention, vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Or, nous avons vu plus haut que le texte de Vitruve implique, à mon interprétation, que ce type d'appareil était déjà connu au moins un demi-siècle auparavant. En fait, la première attestation certaine bien datée, que l'on ait d'un point de vue archéologique, est le pressoir carbonisé mis au jour par Amedeo Maiuri à Herculanum. Grâce à des recherches d'archives, Nicolas Montex a montré que le pressoir publié par Maiuri dans son ouvrage Ercolano i nuovi scavi, 1927-1958, paru à Rome en 1958, n'était pas une presse de foulon utilisée pour repasser les toges, donc une presse analogue à la peinture que nous avons vue dans le cours précédent, mais bien un pressoir à huile, car l'appareil était à la fois doté d'une petite mets en bois avec des rigoles pour que le liquide puisse s'écouler, et surtout d'une cuve de recueil à la base que Maiuri, pour conforter son interprétation, a fait boucher immédiatement. Et je vous renvoie à la très belle démonstration de Nicolas Montex dans son ouvrage « Les lieux de métier, boutiques et ateliers d'Herculanum » paru à Rome en 2010, page 205 et suivante. Nous en avons conclu qu'il s'agissait donc d'une presse pour extraire les huiles à parfum, et cette avancée nous a permis de confirmer la présence d'autres pressoirs du même type, mais avec une base en pierre, dans les parfumeries de Pompéi avant 79 de notre ère et à Pestum au 1er et 2e siècle. Il semble que, aussi bien à Pompéi qu'à Herculanum, les pressoirs à vis centrale ont été installés après le tremblement de terre de 62 ou 63. L'évolution technologique profitant en quelque sorte de la rupture créée par le tremblement de terre pour se diffuser dans de nouvelles installations. En effet, lorsque vous avez un système qui marche, vous continuez à l'utiliser dans le temps, mais lorsqu'il est détruit par un événement et que vous devez reconstruire, vous avez tendance à utiliser les machines les plus au point et les plus récentes et les plus efficaces qui sont sur le marché. Donc la rupture créée par le tremblement de terre a introduit certainement une évolution technologique. On en retire donc l'impression que l'archéologie corrobore la chronologie avancée par Pline, puisqu'on se retrouve vers le milieu du 1er siècle après Jésus-Christ. Mais je crois que c'est probablement une coïncidence due à l'état de préservation des cités ensevelies par le Vésuve et qu'il ne faut pas surinterpréter cette coïncidence. Le Collège de France et France Culture vous présente Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique, aujourd'hui pressoir à vis et décantation. Mais alors, est-ce qu'on peut sauver, si j'ose dire, l'indication chronologique de Pline en imaginant qu'elle porte seulement sur l'apparition en Italie d'un type de pressoir à vis centrale qui devait être placé, et là il nous le dit très clairement, dans une structure maçonnée. Le principe serait en quelque sorte celui des pressoirs à chapelle connus et communs en France, notamment à partir du XVIIIe siècle et très répandus au XIXe siècle. Dans l'exemple du moulin du Barou, précisément daté de 1792, ces chapelles où l'écrou, en quelque sorte, est fixé dans une maçonnerie très, très forte et la vis ainsi peut exercer son action. À ma connaissance, on n'a pas encore identifié ce type de pressoir dans les vestiges du Leury, sauf peut-être à Mador, cette grande cité de à l'heure actuelle située dans l'est algérien, à côté de Soukaras, où les travaux de Mariette de Vos ont peut-être mis au jour des pressoirs à vis centrale insérés dans les maçonneries. Mais à lire Pline, on tire la conviction que c'est plutôt le principe même du pressoir à vis centrale qui a été mis au point vers le milieu du 1er siècle de notre ère. Or, cette proposition me paraît incompatible avec le texte de Vitruve, et il reste donc à attendre qu'une fouille bien datée de la fin du 1er siècle avant Jésus-Christ vienne définitivement régler la question. Ces pressoirs à vis centrale ou latérale ont été reconnus sporadiquement en Occident, notamment en Gaule et en Italie, surtout dans les installations vinicoles, mais sa structure tout en bois minore très fortement sa visibilité et sa représentativité. Ils sont plus visibles en Orient, car ils possèdent dans ces secteurs des parties qui sont en pierre. On les rencontre souvent à partir du IIe siècle de notre ère et jusqu'à l'époque byzantine, tant pour l'huile que pour le vin. Je cite un exemple entre tous, le site de Orbat Castra, à côté de Haïfa. Et je vous renvoie à la publication de Zev Yevin et Gérald Finkenstein, Wine and Oil Presses at Orbat Castra, paru dans un ouvrage collectif intitulé Oil and Wine Presses in Israel from the Hellenistic Roman and Byzantine Period, paru à Oxford en 2009. Mais lorsque nous traiterons ces secteurs, nous aurons l'occasion d'y revenir. En fonction du mode de fixation de la vis, qui peut être dans un cadre de bois, dans la mée en pierre, dans la maçonnerie d'un mur, entre deux monolithes par exemple, et du nombre de vis, on distingue plusieurs types de pressoirs, mais je vous fais grâce du détail. Nous les examinerons lorsque nous prendrons en compte l'évolution des techniques de production et des mouvements commerciaux au fil des temps. L'intérêt de ce type de pressoir, en fait, réside, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans un investissement moindre et dans la possibilité de l'installer dans un espace nettement plus restreint que celui d'un grand pressoir à levier. Les inconvénients sont plus limités, la puissance est certes inférieure, et l'autre inconvénient, c'est qu'il faut serrer la vis en permanence pour que la pression s'exerce. On ne peut pas, comme dans le cas des pressoirs à levier et contrepoids, soulever la pierre et attendre que la pesanteur fasse le travail à votre place. Ce type d'appareil est donc très bien adapté aux exploitations agricoles petites et moyennes et aux ateliers artisanaux urbains qui sont confrontés à des locaux exigus et qui disposent de moyens d'investissement nettement plus faibles que les grands propriétaires terriens, et d'autre part, qui peuvent utiliser une main-d'œuvre familiale ou servile relativement peu coûteuse. Donc, il faut s'attendre à ce qu'il y en ait beaucoup plus, mais nous avons du mal à les reconnaître dans nos fours. Alors, avançons dans la chaîne opératoire et voyons ce qui se passe avec le pressage lui-même. Alors, pour presser, on devait mettre la pâte dans ce qu'on appelle des scourtins. Mis à part les moyens primitifs que nous avons évoqués au début, où on accumulait les olives broyées dans un trou de rocher. Pour tous les autres pressoirs, donc, on plaçait généralement la pâte d'olive dans ces couffins qu'on appelle scourtins et que les agronomes latins mentionnent à plusieurs reprises sous le nom de ficinae. Et vous trouverez par exemple le terme chez Caton dans le De Agricultura au paragraphe 135. À Medinet Mahani, dans le Fayoum, on a trouvé une pile de ces scourtins en place dans une hunerie qui avait subi un incendie, mais c'est un exemple extrêmement rare. Évidemment, ce type d'instrument disparaît, est réutilisé, et puis ensuite est brûlé ou pourri, et donc on ne les a en général pas du tout. Ces couffins, en fait, devaient être soigneusement nettoyés chaque année si l'on voulait éviter qu'ils communiquent un mauvais goût à l'huile. Les agronomes latins sont très sévères sur ce point. Il fallait laver à grande eau, si possible dans le courant d'une rivière, et ils sont pratiquement unanimes. Caton, dans le De Agricultura, paragraphe 67, Pline, dans l'Histoire naturelle, livre 15, paragraphe 22, Columel, en 12, 52, 22, etc. Mais c'est aussi ce que recommandaient les rabbis en Judée, et vous avez mention, par exemple, dans la Mishnah, de ces pratiques. Columel, d'ailleurs, livre 12, 52, 10, ne voulait que des scourtins neufs lorsqu'il s'agissait d'extraire, par exemple, de l'huile à parfum. Une autre technique, toutefois, se diffuse au cours du premier siècle de notre ère, et les scourtins sont alors remplacés par des cages de bois faites de madriers assemblés à tenons et mortaises. Là encore, c'est Pline qui nous donne l'indication chronologique au livre 15, paragraphe 5. Ces coffres, analogues à ceux qui étaient utilisés pour le raisin, sont appelés galéagrai par Héron d'Alexandrie, donc dans les Mécanica, livre 3, paragraphe 16, alors que les Latins les nommaient regulae, ce qui est mentionné à la fois par Pline en 15.5 et par Columel en 12.52.10. Héron donne une description très précise de leur mode de construction qui doit laisser des interstices entre les planches pour que le liquide s'écoule. Et Columel écrit qu'on peut extraire l'huile d'olive verte dans des pressoirs équipés de regulae, si c'est l'usage de la contrée, dit-il. Certains pressoirs d'Asie mineure, par exemple dans le temple d'Apollon Smenteyun, près de Gulpinar en Turquie, ou en Dalmatie, comme par exemple à Salon, dans l'huilerie de Manastirine, comportent des mets de pierre dont la surface est creusée d'un carré et qui devait servir à fixer ce type de coffre. Au début du IIIe siècle après Jésus-Christ, le juriste Ulpien, dans le Digeste, en 19.2-19.2, fournit une liste complète de l'équipement de base d'une huilerie en faisant la part de ce que le propriétaire doit fournir et de ce qui reste à la charge du locataire. Cette liste fait écho quelques 400 ans après la liste des instruments énumérée par le manuel de Caton au paragraphe 10 du De Agricultura. Alors je cite Ulpien, les jarres, dans le texte latin c'est dolia, le pressoir qui est résumé par le prélome, c'est-à-dire par la poutre, le moulin qui s'appelle trapetum dans ce texte, le tout équipé de cordages, doivent être fournis au fermier par le propriétaire. Et le propriétaire doit remettre en état le pressoir s'il est défectueux. Le texte poursuit en disant « Neratius, qui est un autre juriste, écrit que le fermier doit se pourvoir de scourtins, des ficinae qui servent au pressurage des olives. » Et donc, on voit très bien que les scourtins ne font pas partie de l'équipement de base de l'huilerie, c'est le fermier qui doit les fournir. Mais si les olives ont été pressées dans des coffres de planches régulées, au contraire, c'est au propriétaire de fournir ces coffres de la même façon qu'il fournit le levier du pressoir et le treuil et la roue et les poulies qui servent à remonter le levier. De même, et cette partie je l'avais mentionnée plus haut, le propriétaire doit mettre à disposition une chaudière en bronze pour laver les olives à eau chaude et tous les vases à huile nécessaires. Ces vases, en fait, servent à la décantation et au stockage, ce que nous allons voir maintenant. En effet, le broyage et le pressurage ne forment qu'une partie de la chaîne opératoire de la préparation de l'huile d'olive. La dernière opération consiste à séparer l'huile de l'eau de végétation des olives et de l'eau chaude que l'on ajoute pour faciliter l'écoulement de l'huile lors des secondes et troisièmes pressions. Les pressoirs à levier les plus anciens se déversaient dans des vases de terre cuite, puis on leur accola de véritables cuves, soit en pierre de taille, soit à l'époque romaine, en maçonnerie, voire en plomb. Les vases de terre cuite sont connus à l'époque hellénistique. Par exemple, dans l'huilerie du théâtre, dans l'îlot 3, la maison haut de Délos, et durant tout l'Empire romain, dans certaines régions comme la Lusitanie, par exemple dans la villa d'Estoy à Milreux, ou en Bétique, dans la fouille récente que vient de diriger Stéphane Monet à Las Delicias, dans la vallée du Rhénil, un affluent du Bétis. C'est un exemple parmi d'autres. Pratiquement toutes les installations de Bétique sont équipées de ces bassines en terre cuite. Ailleurs, comme à Volubilis parfois, on peut avoir de petits dolias qui remplissent la même fonction. Les cuves en pierre ou en maçonnerie comportaient souvent des aménagements permettant aux opérations de décantation de se réaliser en grande partie sans intervention humaine. Une surverse était aménagée dans la paroi de la cuve recevant le jus de presse de façon à ce que l'huile, plus légère que l'eau, et remontant à la surface, puisse se déverser dans une autre cuve, de cuve jumelée, que Columel appelle Strictile Gemellar, et Caton, au paragraphe 66 du De Agricultura, mentionne aussi l'emploi de cuveaux de plomb qui sont mis au fond de cuves maçonnées pour y recueillir l'huile par surverse. Durant la période romaine, ces petits bassins que l'on voit par exemple dans une des nombreuses huileries de Madore, avec donc ce système de surverse, ces petits bassins étaient généralement complétés par de grandes cuves destinées à la décantation de l'huile des secondes et troisièmes pressions, pour lesquelles on ajoutait beaucoup d'eau chaude. Et il s'agissait de recueillir alors la plus grande quantité d'huile, qui servait notamment à la fin des dernières huiles servant de combustible pour les lampes. Ces cuves sont fréquentes en Italie, par exemple dans la Villa de la Pisanella à Bosco Reale, en Narbonnaise, et surtout en Afrique, à Mador, comme nous le voyons là, à Tuburbo Maius, à Biersgaon, etc. La suite des opérations de décantation était réalisé à l'aide de récipients de céramique ou de métal. Columel, au livre 12, 52-11, recommande de ne pas mélanger les huiles issues des pressurages successifs. Il dit « On aura dans le cellier trois séries de bassines, la première pour l'huile de première qualité, c'est-à-dire de premier pressurage, la deuxième pour la seconde et la dernière pour la troisième. Il est en effet très important de ne pas mêler le second pressurage et encore moins le troisième avec le premier, car l'huile qui s'écoule par une faible pression, comme de mères gouttes, a de loin le meilleur goût. » Les cuves de décantation étaient donc une pièce essentielle du dispositif qui méritait parfois une inscription commémorative. À Rome, sur la Via Prenestina, fut retrouvée une cuve monolithe en tuf portant la date de construction de l'huilerie en 55 avant Jésus-Christ, année du célèbre consulat de Pompée et de Crassus, dont vous voyez ici le nom. Et à Tipaza, quelques siècles après, Marcus Hortensius Gaudensius a fait graver son nom et une date correspondant 278 après Jésus-Christ sur les bassins de décantation de son huilerie, lorsqu'il l'a fait construire aux portes même de la ville. Les ouvriers qui travaillaient dans ces huileries fournissaient un travail intense dans une durée relativement limitée. En effet, de la rapidité et de la régularité du travail dépend la qualité de l'huile. Il faut décanter rapidement pour séparer l'huile des margines susceptibles de fermenter et d'altérer le goût de l'huile. Ainsi, Caton prévoyait-il des lits pour les ouvriers du pressoir et pour les gardiens. Vous trouverez cette mention dans le paragraphe 15 du De Re Cultura. D'ailleurs, dans la villa de la Pisanella, à côté de Pompéi, un lit était installé dans le pressoir à huile, ce qui est peut-être un hasard, mais qui peut aussi bien montrer que les opérations d'extraction de l'huile étaient en cours, puisque nous savons désormais que l'éruption du Vésuve n'a pas eu lieu au mois d'août, comme on l'a longtemps pensé, mais bien en automne, c'est-à-dire en plein moment de la préparation de l'huile. Durant la saison, si la récolte était bonne, on travaillait jour et nuit dans le moulin, et Pline nous dit, au livre 15, paragraphe 23, « Quatre hommes travaillant sur deux mets, c'est-à-dire sur deux aires de presse, pressent normalement trois factus, c'est-à-dire trois ensembles d'opérations, en un jour et en une nuit. » Le travail de nuit nécessitait de l'huile pour les lampes. Caton, dans le paragraphe 67, les mentionne. Mais selon Columel, c'est à peine si les meilleurs mouliniers toléraient les lampes à huile, car ils pensaient que la fumée était susceptible de donner un mauvais goût à l'huile. Vous le savez, les gras végétaux en particulier, qui étaient utilisés pour les huiles à parfum, ont cette propriété de fixer toutes les odeurs, y compris les mauvaises odeurs, c'est-à-dire les odeurs de fumée. Alors, outre l'obscurité, il fallait combattre la froidure de l'hiver qui engourdit les ouvriers figés l'huile. Et il y a donc une difficulté. Caton voulait que l'huilerie soit maintenue la plus chaude possible, et vous trouvez cette mention au paragraphe 65 du livre Cultura. Pline, dans le livre 15, paragraphe 10 et 22, recommandait de chauffer les locaux avec les grignons d'olive, et c'est d'ailleurs une pratique si courante qu'elle doit servir de guide dans les recherches archéologiques. En effet, l'abondance des noyaux d'olives carbonisés est souvent la preuve de l'existence d'une huilerie. Mais plusieurs agronomes latins déconseillaient au contraire cette pratique à cause justement des risques de gâter le goût de l'huile. Et Vitruve, au livre 6, paragraphe 6.3, pensait qu'il suffisait d'exposer les bâtiments vers le sud pour maintenir les huileries assez chaudes, et ne voulait pas qu'on fasse de feu, alors que Palladius, au livre 1, paragraphe 20, préconisait l'emploi de vitres et de chauffage de l'huilerie par hypocauste, ce qui évidemment a l'avantage de séparer le circuit des fumées de la pièce dans laquelle on travaille, ce qui est une idée tout à fait intéressante, mais qui n'a pas été encore prouvée archéologiquement. Le travail au moulin demandait beaucoup de force. Il était réalisé par des hommes, tandis que les femmes, elles, étaient plutôt chargées de remplir les scourtins. On en a une très jolie mention en 99 après Jésus-Christ, car une ouvrière du nom de Tenekweis, donc une égyptienne, fut engagée par notre fameux oléiculteur du Fayoum, Lucius Bellenius Gemellus, dont j'ai parlé très souvent, fut engagée par lui pour remplir les scourtins dans son huilerie, et je vous renvoie au contrat qui est mentionné dans le papyrus du Fayoum, numéro 91. Aux époques et dans les régions où le personnel servile était peu abondant, notamment chez les agriculteurs, il était donc avantageux d'implanter des huileries dans les agglomérations plutôt que dans les fermes, afin de bénéficier d'une main-d'œuvre abondante, peu chère, car éventuellement féminine. Cela expliquerait la concentration des moulins à huile dans certains endroits, comme par exemple Ratchi, qui est un des villages à côté de Corinthe, ou à Halys, par exemple, en Argolide, mais aussi dans certaines villes de Palestine, d'Afrique et de Maurétanie. Me vient à l'esprit, par exemple, Rapidum ou Volubilis. Et il est évident que les propriétaires d'huileries avaient à leur disposition une grande disponibilité de main-d'œuvre à bas prix pour tous ces travaux qui demandent de la main-d'œuvre peu qualifiée. À la fin de la République romaine et au début de l'Empire, la taille grandissante des exploitations et l'abondance des esclaves a conduit au contraire à la construction de grandes huileries dans les domaines même, c'est-à-dire à la campagne. Le phénomène était déjà largement entamé dès la première moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, au témoignage de Caton. Toutefois, comme pour les vendanges, l'olivaison et la préparation de l'huile demandent, même dans les domaines les mieux pourvus en main-d'œuvre, un surcroît de personnel, et il fallait donc que le propriétaire d'un domaine disposât à proximité d'une réserve de main-d'œuvre, de travailleurs agricoles libres mais pauvres. C'est pour Perculis que cite Varron, ou alors des montagnards descendus de leur village pour les gros travaux agricoles, ou bien des ouvrières indigènes telles que cette égyptienne embauchée temporairement par Lucius Bellenus Gemellus. Je voulais vous présenter maintenant les diverses catégories d'huile. Je crains que nous n'ayons pas le temps aujourd'hui, et donc nous allons renvoyer cette étude au cours prochain, car finalement je me rends compte que la matière demande plus de temps que je ne pensais y consacrer, et donc progressivement il y a une petite dérive dans mon programme dont vous m'excuserez, mais je préfère que nous nous réservions pour étudier plus en détail les diverses catégories d'huiles dans le cours prochain, ainsi que les modes de stockage, avant d'aborder d'autres questions. C'était des cours du Collège de France le 31 octobre 2017. Vous venez d'écouter l'archéologue Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique, aujourd'hui, pressoir à vis et décantation. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Pierre Brun. L'archéologue propose une petite synthèse des images et des schémas qui présentent les techniques d'extraction de l'huile d'olive dans un document très commode que je vous recommande et dont nous mettrons le lien en valeur sur nos pages. Jean-Pierre Brun a publié « Le vin et l'huile dans la Méditerranée antique, viticulture, oléiculture et procédés de fabrication » publié en 2017 chez Errance. Chez le même éditeur en 2004, il a publié « Archéologie du vin et de l'huile de la préhistoire à l'époque hellénistique ». Réalisation Anne Sécheret, présentation Myril Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre exploration des techniques autour de l'huile d'olive en compagnie de Jean-Pierre Brun. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.